Le 48e régiment de marche. Grantin. Il n'y avait pas à s'apitoyer longuement. Dans le métier des armes, les liaisons ne se dénouent pas. Elles sont presque toujours rompues brusquement, si fraternelles qu'elles aient été. Les exigences du service veulent qu'après une longue intimité, on se sépare immédiatement sans murmure, sinon sans regret. À la guerre, il faut voir tomber, sans faiblir, sans lui tendre la main, sans jeter vers lui un regard en arrière, le camarade frappé à mort qui était devenu votre ami. Et la discipline impose parfois des épreuves plus cruelles. Il faut brider son cœur, si l'on ne peut l'étouffer. C'est pourquoi les vieux militaires passent et repassent sans cesse en revue les noms de leurs compagnons d'autrefois. Ils rachètent ainsi leur sécheresse professionnelle, leur froideur obligatoire et passagère, l'apparente indifférence qui fut longtemps exigée d'eux. D'ailleurs, Roal ne nous avait jamais inspiré de véritable amitié, à un rival ni à moi. Nous déplorions qu'il eût commis les fautes dont il serait châtié, plus que nous ne pouvions le regretter lui-même. Pour nous distraire, nous n'avions pas cependant la société des joyeux compères du premier voyage. Tous étaient restés au dépôt. Et outre que nous n'étions pas gais naturellement, le grade nous isolait déjà un peu des simples soldats. De même, il s'éloignait de nous. Cette sorte de solitude, en plein brouhaha, était favorable au cours de mes pensées, à la fois heureuses et graves. Le train rapide m'emportait enfin vers le but que m'avait assigné ma conscience, et par une circonstance inespérée, il allait m'être donné de revoir mes amis, de recevoir dans un baiser une nouvelle bénédiction de ma mère. Dans cette saine disposition d'esprit, je ne m'expliquais pas que la vue de ce pays ne m'eût pas frappé et charmé à mon premier passage. Chère terre de France, aux sites si divers, aux aspects admirables dans leur variété, je m'en éprenais de plus en plus à cette revue panoramique, parce qu'on s'attache en se dévouant. Et n'allions-nous pas essayer de la défendre? Qui sait si nous ne l'arroserions pas de notre sang? De Perpignan à Narbonne, la voie suit le littoral, et en certains endroits, sur une chaussée de quelques mètres à peine. D'un côté, la mer confondant la ligne des eaux avec le ciel, et de l'autre, d'immenses étangs bleus. Sur la côte, les pauvres villages de pêcheurs étagent leurs cabanes en amphithéâtre. Devant l'élément qui leur fournit la nourriture et souvent les engloutit. Le train semblait glisser sur la mer. Le sifflet strident de la locomotive se perdait dans cette immensité dont le calme n'était troublé que par le cri de quelques goélands effarouchés, s'envolant de rocher en rocher. La matinée s'écoula assez vite dans cette contemplation. Mais vers le milieu du jour, les heures parurent s'allonger. À mesure que le moment attendu approchait, il semblait fuir. Je comptais les stations qui restaient à franchir, et nous en rencontrions toujours que j'avais oublié. La nuit tombait, et Toulouse n'apparaissait pas. En vain, pour prendre le change, j'essayais de dormir. Mes yeux clos, l'esprit veillait. Enfin, vers 6 heures, le train ralentit sa marche. Aux portières, les clairons sonnent allègrement la charge. Nous entrons en gare. Le train roule toujours. Il y a encore un pont à passer. Mais je n'y peux tenir. Me voilà déjà debout sur le marchepied, quand une terreur me prend. C'est jour férié, le 1er novembre. La Toussaint, veille des morts. Mon télégramme, est-il parvenu? Oui, oui, là-bas, devant le bureau du chef de gare, stationne un groupe nombreux. Tous, ils y sont tous. Et d'un bond, je suis au milieu d'eux. Quel délicieux moment, mais qu'il fut court. Ma mère était radieuse. Elle retrouvait son fils, aussi décidé que le premier jour, mais plus fort, devenu homme au bout de 2 mois d'absence. Elle me regarda quelques instants, sans parole, les yeux brillants de joie au travers d'un voile humide. Bien que j'allasse vers le danger, elle ne tremblait plus. Après m'avoir cru à jamais perdu, elle me revoyait. Heureux présage! Ah, quel chaleureux accueil! Quelles attentions charmantes! Quelques aliments réparateurs à prendre, tout en causant. Un chaud gilet de laine que je dus m'engager à mettre le soir même. Que sais-je encore? Comme tous grandissaient le mérite du devoir en se rendant plus cher, en découvrant à celui qui partait les trésors de tendresse que peut-être il allait perdre, mais dont rien alors n'aurait pu l'obliger à se montrer moins digne. Quoi, déjà? Le clairon rappelait. Il fallait se dire adieu, et nous avions à peine échangé quelques paroles. Quel vide dans le wagon, malgré le tumulte environnant. Bien que blotti silencieusement dans un coin, je m'efforçasse de jouir encore, comme d'un doux parfum de souvenir de cette minute exquise. Je souffrais. J'étais triste, craignant que ma mère n'eût entendu ces mots, jetés au passage par un brutal, par un jaloux. « Embrassez-le bien, vous ne le reverrez pas. » Lorsqu'au matin nous eûmes dépassé Bordeaux, le froid dans nos wagons à marchandises mal clos devint d'heure en heure plus vif, et la campagne nous apparut toute dépouillée. Elle semblait s'être mise en deuil à mesure que nous nous rapprochions des contrées où se jouaient nos destinées. mais aux abords des grandes villes, comme dans les plus petits hameaux, nous apercevions les jeunes gens et les hommes faits s'exerçant au maniement des armes. Ils interrompaient leurs manœuvres pour nous saluer, et si sans voix leur répondaient en entonnant un chant patriotique.